choisi. Ma physique est magique, ma team est active. Je m'applique, c'est parti, c'est ma vie, c'est ma vie. Je pars au parking, tu vois le maquis, j'occupe le monde tellement violent. Je vois avec la vaseline, ma physique est magique, ma team est active. Je m'applique, c'est parti, c'est ma vie, c'est ma vie. Je m'éloigne des travestis et des biscothèques. Nique ta race, monde à Asman. Quelle vitrice tout nette, on a de la weed toute verte. Padris tourne mec, monsieur Bill vous baisse, calmez-vous s'il vous plaît. Si, si, côtoie des petits foulecs, soupi avec un abysse. Ici, il se passe que dalle, c'est pas le pirate des Caraïbes. Je veux les milliards à Kadhafi, les grillades et du couscous, la roue tourne, j'aurai. Libya, Tchadjadakis, pour les grillages du paradis, on est à l'os, pousse tous. Non, on échange des coups de foot pour un billet de 100 boules, 12. Nous, on s'en fout de tout, on martyrise la vie, on baisse les gars d'en haut. Et Avril Lavigne, j'admire Martin Scorsese et Marc Dorcel. Je remercie l'inventeur du whisky écossais, okay. Monsieur Bill Dolman, moi j'ai pas la grosse tête. Ok, ok, mais pas les couilles, man. Ça va du parc au parking, du rail au parking. J'occupe le monde tellement violent, je vois avec la vaseline. Ma physique est magique, ma team est active. Je m'applique, c'est parti, c'est ma vie, c'est ma vie. Ça va du parc au parking, du rail au parking. J'occupe le monde tellement violent, je vois avec la vaseline. Ma physique est magique, ma team est active. Je m'applique, c'est parti, c'est ma vie, c'est ma street. Ça s'entraîne à l'île hôtel, y'a des carcasses et des poubelles. Ça sent l'air, c'est la mienne, c'est le car à l'ancienne. C'est la tête, c'est la merde, c'est les grottes pas chambelles. Mon époque vient chanter, on ne fait pas de chandelles. La sécheron, on y était, demande à Drill, tenez edge. C'est le dawa dans la classe, ça pue la weed au fond de la salle. Ça fume la halle en cours de maths, et on n'est pas fiers de ça. Regarde dans le parc, comme ça se dégrade. 16 plus déjà, et toujours au même stade. Celle-ci que c'est ça, et trop de frères y arrivent pas. C'est le cursus obligatoire, et tous les jeeps passent par là. Et tous les spiffs passent par moi. Dans ma gorge, c'est trop noir. Dès le matin, j'ai trop la rage. J'allume ma hanne, et je déjeune pas. Putain, ça craint pour l'estomac. C'est le track time du 201. Le week-end, je respire, et la semaine, je transpire. Entre le taf et la street, quand la vie, c'est la vie. Quand la vie, c'est la weed. Dans la vie qu'on arrive, des codes au paquet, des codes au parking. Des connais pas qui font des cognes, y'a pas de vie. Et notre vie, pas un film, y'a tout qui tient sur un fil. Ça va du parc au parking, du rail au parking. J'occupe le monde tellement violent, je vois avec la vaseline. Ma physique est magique, ma team est active. Je m'applique, c'est parti, c'est ma vie, c'est ma street. Ça va du parc au parking, du rail au parking. J'occupe le monde tellement violent, je vois avec la vaseline. Ma physique est magique, ma team est active. Je m'applique, c'est parti, c'est ma vie, c'est ma street. Moi j'ai une renoir, si tu me croises pas au prestige. Mon marécage jusqu'au libé, j'en place une pour mes petits. Au coin un petit sourire, mais pas festif, les galères tombent en avalanche. Et j'ai pas chaussé une ski. Plus des penchants qui me carbonisent. T'as tech sans titre, j'kiffe le sky. La weed, la bonne viande dans mon sandwich. Moi j'ai trop de gourmandise. J'emmerde la gendarmerie. Les temps sont durs, les top squat, les school et les garderies. L'argent dans la ligne de mire. Si trop close, trop plus t'es mise. Quand mon coin a des temps, j'y un tas de gars incorrigibles. Plombé parce que j'ingurgite. Moi j'manque un peu de logique. J'suis noyé dans les conneries. J'mélange alcool et caféine. J'parle de maille parce que j'suis pas héritier. Passe le roi, j'la mets de haut et taché. Mes poumons sont achetés, je traîne pas sous une bonne étoile. J'ai voulu brûler trop d'étapes, j'ai une tête de coupable. Le palmarès plein d'accrochages. Marécage, ça va du parc au parking, du rail au parking. J'occupe le monde tellement violent, je vois avec la vaseline. Ma physique est magique, ma team est active. Je m'applique, c'est parti, c'est ma vie, c'est ma street. Ça va du parc au parking, du rail au parking. J'occupe le monde tellement violent, je vois avec la vaseline. Ma physique est magique, ma team est active. Je m'applique, c'est parti, c'est ma vie, c'est ma street.